Marneffe voulut alors emmener sa femme. Mais Hulot, en croyant la voir pour la dernière fois, implora par un geste la faveur de lui parler. « Messieurs, madame me coûte assez cher pour que vous me permettiez de lui dire adieu, bien entendu en présence de tous. » Valérie vint et Hulot lui dit à l'oreille « Il ne nous reste plus qu'à fuir. Mais comment correspondre? Nous avons été trahis. »« Par reine, » répondit-elle. « Mais mon bon ami, après cet éclat, nous ne devons plus nous voir. Je suis déshonorée. D'ailleurs, on te dira des infamies de moi, et tu les croiras. » Le baron fit un mouvement de dénégation. « Tu les croiras, et j'en rends grâces au ciel, car tu ne me regretteras peut-être pas. » « Il ne crèvera pas sous chef, » dit Marneffe à l'oreille du conseiller d'État, en revenant prendre sa femme, à laquelle il dit brutalement « Assez, madame, si je suis faible pour vous, je ne veux pas être un sot pour les autres. » Valérie quitta la petite maison Crevelle en jetant au baron un dernier regard si coquin qu'il se crut adoré. Le juge de paix donna galamment la main à madame Marneffe en la conduisant à la voiture.